Parlons Santé est une émission d'information et de sensibilisation de la population en matière de santé. Elle est réalisée par Egide Ndairagije et passe à la radio Ndiragakura tous les samedis à partir de 17h30. Fidèles auditeurs et auditrices de la radio scolaire de la Gakura, et spécialement vous les fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Parlons Santé, et bonsoir et bienvenue dans notre émission Parlons Santé. Parlons Santé est une émission qui donne la parole à nos partenaires en matière de santé. L'émission d'aujourd'hui nous a conduit à la Croix-Rouge du Burundi dans la branche provinciale de Ngozi et nous sommes avec la secrétaire provinciale de la Croix-Rouge en Ngozi, Madame Donat Ndayongech. Une branche qui enregistre 333 308 volontaires répartis sur toutes les unités collinaires qui rendent service aux plus vulnérables. Nous sommes aussi avec Jean-Pierre Rivuzimana, il est chef du projet PTMEYE, prévention de la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant, un projet qui travaille avec FCHI comme partenaire, qui a commencé depuis le mois de mai 2014. À la présentation de cette émission, vous êtes avec Egide Ndayiragije, qui vous souhaite la bienvenue et bonne écoute de cette émission Parlons Santé. Niko karanga mutima kawe katumye uhurumbirwa na bose. Sans trop tarder, entrons dans le vif du sujet avec la secrétaire provinciale de la Croix-Rouge, branche Ngozi, qui commence par décliner son identité à nos auditeurs. Je m'appelle Ndayongeje Donat, je suis la secrétaire provinciale de la Croix-Rouge du Burundi, branche d'Ngozi, il y a 8 ans. Auparavant, j'étais le professeur au lycée Don Bosco et j'ai terminé la psychologie. Et ici à la Croix-Rouge du Burundi, comme je viens de dire, il y a 8 ans que je suis la secrétaire provinciale de la branche. Et nous avons 298 unités collinaires qui se trouvent sur les 298 collines qui fonctionnent dans la branche de Ngozi. Et sur les 298 unités collinaires, nous avons 33 308 volontaires répartis sur toutes les unités collinaires qui font des services aux plus vulnérables. Les activités que nous faisons dans la branche de Ngozi s'inscrivent dans les activités du plan stratégique 2014-2017 en mettant en avant le ménage modèle. Et par ménage modèle, on regarde surtout les 11 critères de ménage modèle et on fait de la sensibilisation sur toutes les unités collinaires pour transformer les ménages vulnérables en ménages modèles. Concernant le projet PTMEYE, nous travaillons en collaboration avec le FCHI 360 et nous sommes le partenaire du FCHI 360. Le projet a commencé depuis 2014, au mois de mai 2014, et on fait la prévention du VIH-SIDA de la mère à l'enfant. Dans la prévention du VIH-SIDA à la mère à l'enfant, on fait d'abord des généralités sur le VIH-SIDA et puis on insiste sur la PTMEYE. Dans la prévention également du VIH entre la mère et l'enfant, on a beaucoup fait la sensibilisation sur le VIH-SIDA en général et puis on a également fait la sensibilisation sur le planning familial et on a également fait la sensibilisation de la fréquentation des CPN et sans oublier la fréquentation des centres de santé après la naissance de l'enfant pour voir si la mère sait comment se fait la transmission du VIH-SIDA à son enfant. Oui, madame la secrétaire provinciale de la Croix-Rouge, Ngozi, est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement les populations avec lesquelles vous travaillez dans cette province au niveau de la Croix-Rouge? La population dont nous travaillons ensemble, c'est la population en général, et puis il y a les vulnérables en particulier, et les femmes en âge de procréer, et les femmes enceintes. comment sont-elles choisies? Bon, lors de l'identification des personnes, d'abord au nom des volontaires qui nous aident dans la sensibilisation et dans l'application du projet, on a choisi, il y a les volontaires, nous avons les femmes accoucheuses, les femmes traditionnelles, les accoucheuses traditionnelles qui accompagnent les femmes enceintes dans les centres de santé. Et lors de l'identification, on a identifié des volontaires qui faisaient auparavant l'accompagnement de ces femmes enceintes dans les centres de santé. Et on travaille en collaboration avec l'administration locale au niveau collinaire et l'administration communale pour que ces femmes soient bien accompagnées par les volontaires. Et les CEDES nous aident dans le planning familial et les sensibilisations concernant les références et contre-références des femmes qui ont le VIH. Ils nous aident également dans la recherche des femmes qui ont perdu de vue. On va peut-être aller en détail avec le chef de projet prévention de la transmission du VIH-SIDA de la mère à l'enfant. Mais madame la secrétaire provinciale, pourriez-vous nous parler quelques principales réalisations à la fin du premier semestre? Au premier semestre de l'année 2017, comme c'était la fin du projet, on fait la préparation de la fin de ce projet et on a fait des réunions mensuelles concernant ces volontaires pour voir s'ils ont fait de bonnes sensibilisations sur la lutte contre le VIH-SIDA en général. On a également insisté sur la présentation des 3 90 sur le VIH-SIDA et on a également fait beaucoup de sensibilisation sur la lutte contre le sida et le dépistage massif dans les zones à haut risque. On parlait des 3,90. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est quoi? Pour les 3,90, il faut que 90% de personnes vivant avec le VIH-SIDA savent leur état sérologique et le 90% des gens dépistés doivent recevoir des ARV et 90% de ceux qui reçoivent les ARV, leur charge virale sera indétectable. L'émission, c'est toujours Parlo Santé. Parlo Santé, restons dans la branche de Ngozi. Cette fois-ci, avec le chef du projet PTMI Ngozi, qui commence aussi à faire sa présentation. Moi, je réponds au nom de Jean-Pierre Ivuzimana. Aujourd'hui, je suis coordinateur du projet PTMI. Avant de venir ici, j'ai été professeur au lycée Mokenke et Budahunga. Après, j'ai été coordinateur provincial de PSI Burundi, en province de Kirundo. Avant d'être engagé par APECOS en tant qu'assistant social, prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables. Et après, j'ai été recruté par Terre des Hommes, ici en Ngozi. Et puis, le projet a pris fin chez Terre des Hommes. J'ai été recruté par ADDF, CAR aussi, dans le projet de prévention du VIH qui était financé par PEPFAR USAID via FCHI 360. Et voilà qu'avec juillet 2014, j'ai été recruté par Croix-Rouge Burundi et affecté dans la branche d'Ngozi, qui est le partenaire de ce projet chez Croix-Rouge. Je voudrais signaler que c'est la branche d'Ngozi qui est l'unique partenaire de ce projet PTME, financé par PEPFAR USAID via FCHI 360. Merci Jean-Pierre, merci pour la longue expérience. Je pense que nos auditeurs vont en bénéficier davantage et nous allons donc commencer par vous demander de définir les différents axes de votre projet et les objectifs, même la mission, si vous avez ça de mémoire. La mission, c'est celle de la Croix-Rouge, c'est d'atténuer les souffrances des vulnérables et ce projet rentre dans ce cadre. Notre projet, le projet PTME, c'est un projet qui vise à prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Mais en particulier, le projet a comme objectif de renforcer les capacités de la Croix-Rouge, branche d'Ngozi en particulier, pour contribuer à la prévention du VIH et la PTME. Le deuxième objectif, c'est renforcer la prévention du VIH parmi les femmes en âge de procréer et les partenaires. Troisième objectif, c'est de renforcer l'implication des hommes champions dans les services VIH et autres services de santé. Et enfin, le dernier objectif, c'est développer un programme de prévention du VIH, IST, santé reproductive, et les violences sexuelles basées sur le genre et la PTME, effectivement, en ciblant sur tous les jeunes. Parlons santé. Dans cette émission Parlons santé, Jean-Pierre Ivuzimana, il est chef du projet PTMEYE. Après les différents objectifs qu'il vient d'évoquer, il poursuit son intervention par rapport aux hommes champions, c'est-à-dire des hommes qui acceptent d'accompagner leurs femmes dans les différents services de consultation prénatale et de prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant. Comme vous le savez, ici au Burundi, les hommes ils ne sollicitent pas beaucoup les services de soins. Surtout que dans notre projet, quand on parle de femmes en âge de procréer ou donc quand on parle de PTMEYE, de CPN, ça vise les femmes. Alors, pour impliquer les hommes, pour qu'ils puissent accompagner les femmes au service de soins, alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes malades, ils ne souffrent de rien, ils ne mettent pas au monde, ils ne sont jamais engrossés. En CPN, ils ne sont pas directement concernés. Ils engrossent, mais ils ne sont pas engrossés. Donc, pour impliquer ces hommes dans le service de soins ou dans la PTMEYE, on a identifié des hommes qui sont leaders, qui nous aident, qui relayent nos messages vers les autres hommes. Donc, les repères. Sans vous interrompre, vous ne pensez pas que la terminologie de mère-enfant pourrait être remplacée par parent-enfant, parce que les pères aussi peuvent être responsables de la transmission du VIH? Oui, ça serait encore mieux, parce que maintenant on a constaté que de la mère à l'enfant, les hommes aussi peuvent contaminer les enfants indirectement, donc en passant par la mère. Auparavant, on avait passé de la mère à l'enfant parce que l'enfant est contaminé par la mère au niveau de la grossesse, pendant la naissance, pendant l'allaitement. Là, l'homme n'intervient nulle part directement. Mais maintenant, on est en train de voir comment parler de parents-enfants au lieu de mère-enfant. Il y a certainement, je vois, vous parlez de fonctionnement de la pérédication. La pérédication, comment elle intervient ici en Ngozi? Ici en Ngozi, la pérédication, d'abord, on a identifié des pérédicateurs parmi les volontaires qui relayent ces messages. Bon, ce ne sont pas seulement des pères éducateurs, aussi des pères éducatrices, parce que parmi eux, il y a des femmes. On a identifié dans la province de Ngozi 233 volontaires ou pères éducateurs qui auraient nos messages. On a identifié également les hommes champions, 57. Et aussi, même si on parle de hommes champions, ce sont des pères éducateurs qui font la prédication. Il y a également une troupe théâtrale qui a été formée, un troupe théâtrale de 18 volontaires qui a été formé pour relayer nos messages. Quels sont ces messages qu'on donne, que ces relais communautaires donnent? Il y a la sensibilisation. Ils ont la tâche de sensibiliser les repères à solliciter les services de soins, distribuer le matériel ISC. Il y a aussi l'utilisation correcte du préservatif. Radio Scolaire de la Gakura, nous continuons avec l'émission Parlons Santé. Parlons Santé, où nous parlons de la prévention de la transmission du VIH/SIDA de la mère à l'enfant. Et nous sommes toujours avec Jean-Pierre Ivuzimana de la branche provinciale de Ngozi qui nous parle des messages stratégiques d'intervention qui relèvent de la compétence du projet dont il a la responsabilité de diriger. À la stratégie de mise en œuvre de ce projet, on encourage l'utilisation correcte et systématique du préservatif. On utilise aussi le système de référence et contre-référence. Quand on parle de référence et contre-référence, c'est-à-dire que nous avons des fiches qu'on met à la disposition de nos relais communautaires. Et ces relais communautaires, après sensibilisation, ils y réfèrent les patients chez les formations de santé. Et les formations de santé donnent une contre-référence prouvant que réellement le patient a été au centre de santé. On implique également les hommes champions, comme je l'ai dit, à la mise en œuvre de ce projet et suivi des services offerts à leurs pairs par la prédication, c'est-à-dire ils sensibilisent leurs pairs, ils les encouragent à solliciter ces services. C'est tout que dans la coutume burundaise, quand un homme accompagne sa femme au centre de santé, on dit que là, il est dominé par sa femme. Ce sont ces préjugés qu'on veut éradiquer. Il y a aussi une stratégie de dépistage avancé. On identifie d'abord ce qu'on appelle des sites chauds ou zones chaudes à travers toute la province de Ngozi et on organise des descentes. On les dépiste sur le terrain. et on donne les résultats sur place. Voilà. Une autre stratégie, c'est le groupe d'acteurs théâtraux qui ont été formés par l'équipe Etouliague. Ils y jouent après les représentations, on fait des pistages sur place. Parmi les stratégies, on a vu que les leaders religieux ou les religions portent obstacle à notre projet parce qu'il y a contre-propagande, surtout de l'utilisation du préservatif. C'est pourquoi on envisage également dans le projet, il y a sensibilisation des leaders religieux, leur implication, leur contribution. Restons sur les leaders religieux. Est-ce qu'ils acceptent facilement les méthodes modernes et contraceptives? Parce que vous avez parlé de la position par rapport à l'utilisation du préservatif. Bon, ils n'acceptent pas facilement. C'est pourquoi on a jugé bon de les approcher, de les sensibiliser davantage. Mais il y a quelques religions qui acceptent, surtout c'est l'église catholique, l'église pentecôte. Cela, ils n'acceptent pas facilement, mais les musulmans et autres sectes, il y en a qui acceptent. Il y a une tendance à les approcher pour avoir une même vision. Oui, il n'y a pas et moi qu'on a rencontré une trentaine de leaders religieux provenant de pas mal de religions qui sont venus, on a passé ensemble des journées en train d'échanger là-dessus. Et on a constaté également qu'il y a des personnes qui, une fois enrôlées sous ARV, les antirétroviraux, ils abandonnent ou ils s'absentent au rendez-vous ou ils sont perdus de vie. Il y en a qui divorcent avec leurs partenaires, il y en a qui vont chercher du boulot ailleurs, il y en a, c'est pas moi. Il y a plusieurs causes de déplacement, ce qui fait qu'ils ne soient pas réguliers à la prise de ces ARV. Et nos relais communautaires sont appelés à aider les formations sanitaires à chercher ces perdus de vie, ces abandons, etc., etc. Pour la réussite de leurs activités, Jean-Pierre Ivouzimana nous signale également comment il collabore avec les différentes formations sanitaires et évoque aussi les journées portes ouvertes organisées dans le cadre de la mise en application du système de prévention de la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant. Comme je le disais tout à l'heure, parmi les stratégies de mise en œuvre de ce projet, il y a ce qu'on appelle journée porte ouverte. Comment ça se passe? Nous invitons tous les intervenants, tous les partenaires dans ce domaine. On organise une journée, on les invite et on fait une exposition ou une présentation. On explique en haut et à large ce qu'on fait dans la PTMEI, nos stratégies d'intervention, les groupes cibles que nous visons pour qu'il y ait conjugaison des efforts avec eux et pour qu'il y ait même compréhension sur... Comment travaillez-vous avec les volontaires des unités collinaires dans le cadre de la sensibilisation de ces personnes contre le VIH-SIDA au niveau d'Ngozi? D'abord, je tiens à vous informer encore une fois que les relais communautaires qui relayent nos messages ont été identifiés parmi les volontaires de la Croix-Rouge. Et par là, il faut sous-entendre les unités collinaires. Ils viennent des unités collinaires. Comment travaillez-vous avec le service du programme national de lutte contre le sida et le programme national de santé de la reproduction pour cette prévention? Parce que les deux cibles, que les deux programmes, que ce soit le PNLS ou le PNSL, interviennent dans ce chapitre. Merci. Nous collaborons directement parce que même si nous sommes à la Croix-Rouge, nous devons suivre les directives du programme national de lutte contre le sida et de la santé sexuelle et reproductive. Nous visons les 390, comme l'a dit mon collègue, les 390, 90, 90, 90. Donc, nous visons que les 90% des personnes vivant avec le VIH-SIDA connaissent les statuts sérologiques. Parmi les 90% d'OPV-VIH qui connaissent les statuts sérologiques, il faut qu'ils soient mis sous ARV. Et parmi 90% de ceux qui sont mis sous ARV, il faut que les charges virales soient indétectables. C'est dans ce cadre que nous intervenons et nous donnons rapport aux représentants provinciaux. Avez-vous l'espoir qu'après les 90, vous allez pouvoir arriver à zéro nouvelle infection, zéro décès lié au sida, zéro discrimination dans votre province? Bon, même si les Français disent que c'est eux qui vivent dans l'espoir, mère dauphin, nous espérons, parce que c'est notre vision, il faut toujours aller de l'avant. Nous espérons que nous allons y arriver. Merci. Vous avez une ambition d'y arriver et je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez faire pour arriver à cet objectif. Parlons santé. Fidèles auditeurs auditrices de notre émission Parlons Santé, nous approchons à la fin de notre émission. Un moment approprié pour nos interlocuteurs de dresser un message à nos auditeurs. Et nous commençons par le chef de projet PTMEYE de la branche provinciale Croix-Rouge en Ngozi, Jean-Pierre Rivuzimane. Le message que je donne à ceux qui nous écoutent, c'est que la lutte contre le VIH, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui demande de conjuguer des efforts. C'est un travail qui n'épargne personne. Tout le monde est appelé à porter sa contribution, que ce soit du côté de la sensibilisation, que ce soit du côté d'un appui financier. Nous devons tous conjuguer nos efforts pour lutter contre ce fléau. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rivuzimane. Je m'adresse cette fois-ci à Madame Donat Ndayongeje, elle est secrétaire provinciale de la Croix-Rouge en Ngozi, pour terminer un message ou un passage que vous pensez qui reste toujours utile, à savoir que ce soit au niveau de Ngozi ou au niveau de nos auditeurs. Merci. Un message que je peux donner à la branche de Ngozi, c'est d'abord de fournir des efforts pour arriver aux 390 et à la population en général, c'est de se faire dépister et savoir leur état sérologique. Et à la radio de la Gakura, c'est de multiplier des émissions en rapport avec la lutte contre le VIH-Sida en général et la PTME en particulier, et de nous aider à donner des messages sur toute la population d'Ngozi en particulier et de tout le pays en général. Fidèles auditeurs auditrices de notre émission Parlons Santé, c'est sur ce message de la secrétaire provinciale de la Croix-Rouge en Ngozi qu'elle met fin à notre émission Parlons Santé, une émission qui nous a conduit à la branche provinciale de Ngozi, et nous étions avec la secrétaire provinciale Donat Ndayongeje et le chef du projet PTMEYE Jean-Pierre Livuzimana, à qui nous disons sincèrement merci pour leur disponibilité et leur spontanéité à répondre à nos questions. Nos remerciements vont également à la direction de la Croix-Rouge pour son appui à la production de cette émission. Nous disons également merci à tous nos auditeurs qui nous ont prêté oreille attentive. Un plaisir pour moi de vous retrouver, chers auditeurs, la semaine prochaine, et ce sera samedi prochain à partir de 17h30 à la radio scolaire de la Gakula. À la présentation de cette émission, vous étiez avec Gide Ndayiragije qui vous souhaite de passer un très bon week-end chez vous avec la radio scolaire de la Gakula. C'était Parlons Santé, une émission d'information et de sensibilisation de la population en matière de santé, à la réalisation et à la présentation, Égide Ndayiragije.